Bonjour les filles et bienvenue dans ce nouveau bêta test du podcast La Petite Voix. Aujourd'hui, je compte sur vous pour me dire quel habillage sonore fonctionne le mieux. Alors, est-ce que c'est celui-ci? Est-ce que c'est le précédent? Est-ce que c'est le prochain? À vous de me dire, vos avis m'intéressent beaucoup et m'aident aussi énormément. Alors, La Petite Voix, le podcast, c'est vraiment bientôt parti.